Le rap, c'est ma fierté, tu peux pas la baisser. Et quand tu chantes, tu es mythomane et pas polyvalent. Prends ça dans les dents. Le temps, il va s'en dire avec qui tu mépris. C'est le nazi comme le zizi de Sarkozy. Et je sors mon easy pour mille chicos et ça devait le chaos. T'es tombé sur un os, gros molos, sale gosse. Et je rentre dans les box et ça devait la métamorphose. J'en pose une pour les nuls et je te plume. À 5 kilos, je suis OP. Ok, à 3 kilos, c'est 5, ça part au quart de tour. Le rap, j'en fais toute une affaire, comme ce style où tu te poses à écouter chaque seconde cette rythmique. Et j'introduis un produit qui frappe, bon, dans tes baffles, et je te retourne la baffle. Oh, tu croyais m'en mettre une ou quoi? Et tu crois que tu la grosses comme un étalon? Tu sais que tu peux être mignonne quand tu veux. Alors zappa ou je te fous à mon coffre comme une gaufre et tu verras plus le jour. Car je vais te découper aux petits oignons comme un jambon. Tes articulations, t'as l'action. T'es chaud pour continuer, moi j'allonge mon temps et mon argent à introduire quelque chose sur le net. Toi tu vaux pas plus quand tu chantonnes comme Polar des années 50. Moi je suis mélancolique. À 5 kilos je suis OP. Ok, à 3 kilos c'est 5, ça part au quart de tour. Chacun d'entre nous vient au monde pour des raisons qui lui appartiennent de découvrir. Mais toi t'es un pauvre imbécile qui est né de la dernière pluie, qui se prend pour le nombril du monde. Alors que t'es juste un loser perdant qui n'a rien de la citrouille. Petite couille où je devrais dire à monsieur Houille. Je passe en mode économe que tu ne prononces pas mon nom. Car je talonne le RAP comme je terrasse Oli et Oud. Et c'est R-A-T-E. Mais dis bonjour à celui à qui t'a fait car je peux te reconnaître. Méfie-toi du maître. À 5 kilos, je suis OP. Ok, à 3 kilos, c'est 5, ça part au quart de tour. Le pouvoir d'un seul, le destin de tous, l'espoir, le courage, le bien, le mal, la raison et la folie. De quoi tu parles, t'as rien de tout cela. Alors arrête de lécher sur mes titres de noblesse. Grosse fesse, tu pèses plus lourd qu'un mammouth, et t'es lourd. Alors femme te clapper, écoute avec délicatesse. Comme un quand tu vas à la messe. Mon instru, mentalement c'est ok. Je t'ai déçu alors tu sors. Watch.